troisième temps de notre série sur l'idée d'Europe à l'orée de cette année qui sera marquée peut-être par un Brexit et sûrement par les élections européennes du mois de mai. Après nous être interrogés lundi sur l'idée d'Europe lors du siècle des Lumières avec l'historien américain Johnson Cantwright et puis hier nous être demandé comment s'était créée au 19e siècle une culture européenne des livres et des spectacles par exemple par la traduction, eh bien aujourd'hui nous allons nous demander comment cette culture européenne a été bouleversée par la coupure en deux du continent pendant la guerre froide. Et nous ferons en compagnie de trois spécialistes de cette période. Jenny Raflick, elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Nantes. Son dernier ouvrage dans la collection La France contemporaine au Seuil s'intitule La République moderne et porte sur la 4e République. Emilia Robin est également avec nous. Elle est chercheure associée à l'UMR Siris. Et Robert Franck est professeur à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il est auteur d'un livre récent dans la collection Textes choisis chez Belin, Être ou ne pas être européen, les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit. In the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Voilà donc un extrait du fameux discours de Fulton de Churchill, donc en 1946, dans lequel il explique que de Stettin dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent et que derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale. Et il cite les capitales dont nous parlions hier dans notre débat, donc autour des capitales culturelles du 19e siècle, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest. Budapest ou Belgrade. Bonjour à vous, Jenny Raflick. Bonjour. Bonjour, Emilia Robin. Bonjour. Bonjour, Robert Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette deuxième émission de cette année 2019, qui, je le disais en ouverture, sera forcément marquée par la question européenne. Alors, Robert Franck, ce discours de Fulton, donc, qui est généralement considéré dans tous les manuels comme étant le discours qui acte un début de guerre froide en Europe, marque justement cette frontière qui partirait de la Baltique jusqu'à l'Adriatique et qui séparerait l'Europe en deux. On le commande comment quand on est, comme vous, spécialiste des relations internationales et en particulier après la Seconde Guerre mondiale? C'est évidemment la conséquence principale de guerre froide, du début de guerre froide. Churchill voit bien les choses. Il a même vu cela un an auparavant, alors qu'il était au pouvoir, puisqu'il envoie un télégramme, mais un télégramme secret, au président des États-Unis pour parler de ce rideau de fer, déjà. Hein. Donc il est très conscient des enjeux de la guerre froide commençante, même si le mot n'existe pas, et donc très conscient de cette division de l'Europe en deux. Et je crois, si vous voulez, il y a peut-être un paradoxe, c'est que cette Europe va rester divisée longtemps. La guerre froide n'a pas, elle a peut-être favorisé la construction européenne à l'Ouest, mais elle l'a pas faite. Hein. Cette construction européenne, elle est en gestation depuis longtemps, avec plein d'échecs. Elle va réussir après la Seconde Guerre mondiale. C'est sûrement les deux guerres mondiales qui ont plus joué que la guerre froide dans cette formation de la conscience européenne, cette nécessité de construire l'Europe pour éviter la guerre, pour éviter le déclin. Alors voilà, les Occidentaux vont le faire. C'est pas Staline le père de l'Europe, hein, comme on le dit souvent. Hein. C'est pas seulement la peur de l'Union soviétique dans la guerre froide qui fait que les Occidentaux s'unissent. Ils se seraient probablement unis de toute façon, ça aurait marché ou pas marché, c'est une chose. En revanche, pour les gens de l'autre côté du rideau de fer, c'est un changement. Il y avait une unité culturelle européenne. Dont on parlait hier dans l'émission. Voilà, avec elle existait. Et là, tout d'un coup, les Occidentaux font leur Europe. ils peuvent pas y inclure l'Est, et il y a une sorte de lâchage de l'Europe de l'Est vécue à l'Est, et effectivement, les gens de l'Est donc ne peuvent pas participer à cette aventure européenne. Et ils vont peut-être parfois le reprocher. Bon, quand on lit, c'est là, ce Milos, son livre Une autre Europe, c'est pour montrer que cette autre Europe, elle n'en existe pas moins, mais effectivement, elle n'est pas incluse dans cette construction européenne. Et cette division laisse encore certainement des traces aujourd'hui, même si les pays de l'Est ont rallié l'Europe après la chute de l'URSS. Et pas tous, on y reviendra dans un instant. Jenny Raflick, quand on s'intéresse, comme vous l'avez fait depuis longtemps maintenant, à ce moment très particulier de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit que ce que l'on apprend dans les manuels d'histoire, généralement, est moins caricatural, moins tranché que ce qu'on a bien voulu dire pendant des années. Et votre travail remarquable sur cette histoire, en particulier de la construction de l'Alliance Atlantique, dont on célébrera l'anniversaire cette année même, c'est au mois de mai, c'est ça ? Au mois d'avril. Au mois d'avril, pardon. Et on parlera aussi de la chute du mur de Berlin au mois de novembre, bien évidemment, puisque une année en neuf est une année très fertile en événements de ce type et en commémoration de ce type. Ce moment-là, de l'immédiate après-guerre, on peut l'analyser différemment de ce qu'on a toujours dit, en particulier de ce que les responsables politiques, d'après des années 60, le général de Gaulle ou d'autres, ont bien voulu dire sur ce qui s'était passé immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors d'abord, je crois qu'il faut bien retenir que c'est une période de grande hésitation, où l'obsession première, c'est d'abord, comme vient de le dire Robert Franck, la guerre, empêcher la guerre, essayer d'assurer une sécurité, la paix pour l'avenir. Et donc, les hésitations, notamment entre la construction européenne, ce qui va devenir la construction européenne, ou bien des alliances plus... peut-être plus pragmatique, notamment des alliances avec les États-Unis, on est toujours dans cette obsession d'assurer la sécurité, d'empêcher un nouveau conflit, et donc d'évaluer la menace, quelle va être la menace. Et l'éternel débat, est-ce que la menace est toujours allemande, est-ce qu'elle est désormais soviétique, est-ce qu'elle vient d'ailleurs, pourquoi pas, parce qu'on est aussi dans un contexte qui va être marqué par la décolonisation. Et finalement, il y a quelque chose d'assez pragmatique dans les choix qui sont faits à la sortie de la guerre. Et peut-être, pour rebondir sur ce que vient de dire Robert, la guerre froide, évidemment, Staline n'est pas le père de l'Europe, mais finalement, ça va pousser les politiques à aller au-delà d'un certain nombre d'hésitations, parce qu'il y a un danger, et que face au danger, il faut absolument s'unir. Et il y a un autre facteur, c'est l'échelle, puisque de toute façon, on ne peut pas s'unir avec les pays qui sont de l'autre côté du rideau de fer, ben par pragmatisme, il faut absolument se réconcilier avec l'Allemagne. Pour aller de l'avant, on n'a pas le choix. Oui, alors vous dites tout de même qu'au tout début, dès 1947, au moment du plan Marshall, un homme politique... qui apparaît pour des gens d'aujourd'hui comme quelqu'un plutôt de l'avant-guerre, Paul Ramadier par exemple, dit qu'il faut un concept géographique de l'Europe qui aille au moins jusqu'à la Vistule, donc bien au-delà de ce que sera effectivement cette Europe économique et politique qui sera construite à partir de la fin des années 1950, parce que on n'a pas encore... en France, du moins, l'idée qu'on puisse se passer de ces pays qui sont culturellement très proches de l'Europe, comme le disait Robert Franck, et de l'Europe occidentale en particulier. Alors, en France, il y a clairement deux discours. Il y a le discours grand public, où effectivement, on ne parle pas de guerre froide, on ne parle pas de rupture, on reste ouvert à tous les pays de l'Est. Et puis, il y a un discours un peu plus pragmatique. Et Ramadier est aussi un de ceux qui va pousser, justement, pour la signature de l'Alliance Atlantique et lancer les négociations. On est toujours... Mais en même temps que Ramadier dit cela, effectivement, Paul Reynaud dit autre chose. Il dit à l'Assemblée nationale, voici le monde coupé en deux. À la proposition Marshall, l'Ouest a répondu oui et l'Est a répondu non. Cette coupure de l'Europe est assez grave dans l'histoire du monde. Donc cette idée de coupure, elle n'est pas simplement dans le discours de Fulton, de Churchill, mais elle est aussi dans les discours communs. Elle est dans les faits. Elle est dans les faits, elle est dans la réponse des pays de l'Est sous pression soviétique aux propositions du plan Marshall. Elle est dans l'impossibilité de construire une Europe géographiquement au-delà de cette rupture politique. Il y a vraiment à la fois l'envie de maintenir les ponts, qui est vraiment général chez les décideurs français, mais pas que. Hein. Quelqu'un comme Spaak va jouer un rôle très très important à cet égard. Spaak, donc le grand homme d'État belge. Voilà, la Belgique qui joue un rôle vraiment très très important hein, dans cette période, rôle d'intermédiaire entre les différents gouvernements, mais en même temps, il y a les faits et la guerre froide va s'imposer dans la géopolitique sans qu'on puisse faire comme si elle n'existait pas, évidemment. Et Robert Franck, ce qui est très intéressant, c'est que dès avant-guerre, et au moment de la SDN, bien évidemment, il y avait des tentations justement de faire une grande Europe. Et Churchill, dont on parlait tout à l'heure, faisait partie de ceux qui réfléchissaient. Le pan-Europe, l'idée pan-Europe, pan-européenne était soutenue d'une certaine façon par lui-même, mais avec toujours ce problème de la Grande-Bretagne, dont vous parlez dans votre dernier livre, donc « Hâtons-nous pas être européen » chez Belin, qui est de savoir avec qui faire cette Europe, comment ne pas perdre sa souveraineté dans une Europe qui vous l'enlèverait. Et c'était la grande question que se posaient les hommes politiques britanniques avant et après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez raison de remonter à l'entre-deux-guerres et surtout aux années 20. Les années 20 sont fondamentales. Hein. C'est vraiment le moment où l'idée d'Europe, qui est vieille, mais qui était l'apanage de poètes, de philosophes, d'intellectuels, s'ancre désormais dans les élites. Et les élites, c'est quand même c'est assez nombreux. C'est-à-dire, maintenant, on n'a pas le choix. Hein. Gaston Rioux écrit un livre en 1929, « S'unir ou mourir hein. ». Et si on ne s'unit pas, ça sera une Seconde Guerre mondiale. Il décrit ça en 1929. Année, on va fêter le centenaire de l'ouvrage de Keynes sur les conséquences économiques du traité de Versailles. Où, effectivement, il évoque lui aussi cette idée. Donc effectivement, il y a tout un mouvement européen. Alors, vous parliez de Churchill. Oui, Churchill est dans Pan-Europe. Mais le paradoxe est le suivant. C'est que l'Europe de Churchill, du moins dans les années 20 et dans les années 30, c'est l'Europe pour les autres. Hein, il veut absolument que l'Europe se construise. Mais pas question que la Grande-Bretagne y soit. Et juste le lendemain de la guerre, en 1946, dans son célèbre discours de Zurich, il dit la même chose. Il faut qu'il y ait une réconciliation franco-allemande pour que l'Europe se fasse. Et, ajoute-t-il, eh bien, la Grande-Bretagne, l'URSS et les États-Unis parraineront cette Europe. Mm-hmm. En d'autres termes, la Grande-Bretagne n'y est pas. Et il a fallu très peu de temps. Alors là, est-ce que la guerre froide a joué ou quoi? Dès 1948, au congrès de la Haye, qu'il préside, ce grand congrès de militants européens, et là, à ses yeux, la Grande-Bretagne doit être dedans. Donc vous voyez, même Churchill évolue. Il est d'abord européen pour les autres, et là il comprend à partir de 1948 que cette Europe doit se faire. Ce qui est absolument passionnant, c'est que ces hésitations, cette vaste hésitation que vous décrivez tous les deux, donc Jenny Raflick et Robert Franck, elles trouvent des sorties institutionnelles, pourrait-on dire. On voit effectivement les hésitations à créer quel type de rassemblement, par exemple, va-t-on faire une Europe économique, une organisation économique pour ce continent européen, va-t-on faire une alliance militaire, etc., etc. Et tout cela, ça se joue dans ces années 1947-1952, Jenny Raflick. Alors, ça débouche même sur ce qui a sans doute été le plus gros potentiel pour la construction européenne, le traité de Bruxelles, un très gros potentiel qui n'a jamais été finalement utilisé, mais un traité qui avait tout, qui était à la fois... Soutenu par Georges Bidault en France, c'est ça? Alors, pas simplement, parce que justement ce traité avait plusieurs articles qui auraient, s'ils avaient été appliqués, pu devenir les bases d'une Europe culturelle, d'une Europe économique, d'une Europe sociale. Il était mention d'accords entre les syndicats, d'accords sur les conventions de sécurité sociale, d'accords sur les conventions chômage, par exemple. C'est en mars 48, ça. Hein, voilà, c'est ça 1948. La seule et unique vraie expérience d'Europe de la défense, concrète, avec un commandement intégré européen et avec des personnalités alors qui sont à la fois la force et la faiblesse de cette institution, Montgomery pour les Britanniques et Delattre pour la France, force parce que personnalité de prestige et faiblesse parce que les deux hommes se détestent et ne peuvent pas travailler ensemble et finalement paralysent en quelque sorte le système. Mais il y avait potentiellement avec le traité de Bruxelles les bases d'une Europe complète, vraiment, qui aurait couvert l'ensemble politique, économique, social, culturel et militaire. Et à laquelle participait la Grande-Bretagne. Et à laquelle participe la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, la France, les trois du Benelux, avec la possibilité d'une extension. Avec une seule limite importante, c'est que le préambule du traité de Bruxelles mentionne la menace allemande, le danger allemand. Donc, fermée, évidemment, telle qu'elle, à une réconciliation allemande. Et puis effectivement, avec l'Alliance Atlantique, tout cela va être profondément bouleversé dès 1949, Robert Franck. Oui, ce traité est intéressant, parce que finalement, il préfigure... On n'en parle jamais de ce traité de Bruxelles. Il préfigure beaucoup de choses, mais on n'en parle pas parce que... Jenny Raffleck en parle, évidemment, dans ses travaux. Voilà, mais je veux dire, en général, on ne se souvient pas de ce traité de Bruxelles de mars 48. On oublie les articles sur la culture, on oublie les articles sur l'économie. Sur le social. Parce qu'on est quand même dans le welfare state. Mais tout ça est sur le papier. Partagé par tous les pays. Tout ça est quand même sur le papier. Alors, sur le plan de la défense, oui, il y a la Grande-Bretagne et la France qui forment là un couple. Le litige entre Montgomery et Delatte, c'est pas seulement un conflit de personnes, même si ça a joué. C'est qu'on n'est pas d'accord. Les Britanniques, au fond, ils ont un schéma selon lequel, bon, bah, s'il y a invasion allemande, c'est sur le papier, mais on n'y croit plus trop, ou soviétique, c'est pas sur le papier, mais on commence à renifler ça, et bien on fera comme en 40, c'est-à-dire, bon, bah, le continent sera envahi, et grâce aux États-Unis, on libérera le continent. Vous imaginez bien que Delatte et les Français sont pas tout à fait d'accord avec ce scénario de 40 renouvelé. Donc là, il y a un vrai problème structurel. Et ce qui montre bien que la guerre froide, si vous voulez, elle a favorisé la construction européenne à l'Ouest, mais n'en est pas la cause. La Grande-Bretagne, qui est très consciente des enjeux de guerre froide, peut-être plus que la France, la perception de la guerre froide entre 46 et 48 est assez compliquée, ne serait-ce que parce qu'on a un parti communiste très important dans notre propre pays. Mais vous voyez, ça ne pousse pas la Grande-Bretagne à faire l'Europe. Hein, je veux dire, la Grande-Bretagne, pour la Grande-Bretagne, ce qui est important, c'est l'alliance avec les États-Unis. Hors de l'Amérique, point de salut. Émilie Robin, vous êtes justement spécialiste de ces relations entre France et bloc soviétique dans ces années d'après Seconde Guerre mondiale. Effectivement, la présence d'un fort parti communiste en France change peut-être la donne par rapport aux autres pays de l'Europe occidentale qui vont finir par faire des alliances et des traités entre eux. Oui, mais c'est une question de chronologie. Jusqu'en 1947, le Parti communiste joue le jeu de la politique intérieure française et participe au gouvernement, participe à l'effort de reconstruction, etc., mais n'est pas un obstacle complet en termes de politique. Et parallèlement à cela, d'une part, du fait de la présence du Parti communiste, mais aussi d'une politique française plus ancienne, la France cherche à entretenir des relations bilatérales avec l'ensemble des pays d'Europe de l'Est, justement en voyant les tensions qui montent pour maintenir des ponts avec une Europe dont on constate qu'il y a une coupure entre un Est et un Ouest, mais une coupure qu'on imagine peut-être provisoire. Donc il y a un traité d'alliance entre la France et l'URSS depuis 44. Il y a des traités d'alliance en négociation entre la Pologne et la France et avec la Tchécoslovaquie également jusqu'en 47. Et on est encore dans l'idée de reconstituer un réseau d'alliances françaises avec l'Est, qui serait une autre façon de penser la sécurité européenne avec des alliances de revers contre l'Allemagne dont on sait qu'elle renaîtra un jour, le plus tard possible. Mm-hmm. Mais donc il y a cette politique française qui a plusieurs objectifs de présence et d'influence française à l'Est, de retardement de la guerre froide, de course de vitesse avec l'influence britannique en Europe de l'Est également, c'est une dimension, et l'influence américaine, et de revers contre l'Allemagne. Et ensuite, en 1947, quand on constate que décidément l'on a passé un nouveau cap avec le refus soviétique de participer au plan Marshall et les refus polonais et tchécoslovaques de participer à la conférence, là, il y a un point de non-retour. Quand proclame la doctrine Zhdanov, elle n'est pas descriptive. La doctrine Zhdanov, il faut peut-être la préciser. La doctrine Zhdanov, c'est la coupure irrémédiable entre le monde capitaliste et le monde démocratique. Mm-hmm. Il y a un fossé entre le monde capitaliste et antidémocratique, et démocratique et anticapitaliste. Mm-hmm. Et on le perçoit souvent comme descriptif à la façon du discours de Fulton, qui décrit une situation. En réalité, Zhdanov est prescriptif. Désormais, il va falloir considérer qu'il y a deux camps irréconciliables. Et là, c'est un tournant majeur. Et alors ça, évidemment, Jenny Raffleck, ça joue aussi sur une posture française qui veut maintenir peut-être la chèvre et le chou, continuer pendant un certain temps, comme vient de le dire Émilie Robin, à avoir des alliances avec des pays qui sont tombés de l'autre côté ou qui sont séparés par ce rideau de fer dont parlait Churchill. Mais en même temps, la France essaye de tirer son épingle du jeu aussi d'une alliance atlantique qui se met en place à partir de 1949 et tente d'avoir sa propre stratégie à l'intérieur de cette alliance atlantique, ce qui ne va pas terriblement bien fonctionner en tous les cas. Oui, la France obtient quand même vraiment beaucoup de choses, finalement, avec cette double stratégie. Alors, chez les dirigeants français, il y a aussi une obsession par rapport à ce double jeu, justement, et ce double discours, c'est de surtout pas provoquer les soviétiques. Il y a la conscience d'une faiblesse militaire, alors très grosse faiblesse militaire française, faiblesse militaire européenne de façon générale à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et les dirigeants français, notamment, et c'est pour ça qu'on parle toujours de la menace allemande jusque dans le traité de Bruxelles, il y a la volonté de pas provoquer l'Union soviétique pour surtout pas provoquer une offensive ou déclencher une guerre finalement par le discours, un discours imprudent. Et les Français s'inquiètent beaucoup des discours justement un petit peu trop directs des Américains, notamment après la doctrine Truman et cette opposition dans le ton. En revanche, les Français vont en permanence demander, chercher l'alliance américaine, mais sans le dire. On est vraiment dans la grande prudence par rapport à ces discours. Alors tout de même, Robert Franck, une difficulté, c'est de à la fois quérir cette alliance américaine dont vient de parler Jenny Raflick, et de l'autre côté se dire que peut-être l'occasion serait bonne de construire un espace européen dans lequel la France pourrait trouver sa place, et une place forte éminente. Et vous le disiez tout à l'heure, dans l'hésitation entre une alliance franco-britannique qui n'a jamais vu le jour finalement et qui était espérée depuis l'immédiate avant Seconde Guerre mondiale, et puis une alliance franco-allemande qui finalement va devenir l'alliance de base sur laquelle va se construire justement cette idée européenne. Je crois que la France et la Grande-Bretagne ont comme point commun d'avoir été des grandes puissances jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La France comprend qu'elle ne l'est plus. La Grande-Bretagne lui faut encore un peu plus de temps pour comprendre qu'elle n'est plus une grande puissance. Peut-être faut attendre Suez en 56. Et du coup, là, pour la France, il y a peut-être une occasion à saisir, si vous voulez. Faut bien comprendre que la première organisation européenne qui est créée, une des premières, c'est l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique, voulue par les États-Unis, parce qu'elle doit gérer le plan Marshall, elle doit faciliter la reconstruction de l'Europe, et d'une certaine manière, veulent les Américains construire l'Europe. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que les Français et les Britanniques qui sont dans l'OECE et qui sont le couple régnant ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Donc il y a un vrai échec. Et au fond, en 49, Jean Monnet tire une leçon de cet échec. Voilà, on peut pas faire l'Europe avec nos amis. Faisons-la donc avec nos anciens ennemis. C'est là cette petite révolution du plan Schuman qu'il va suggérer. Cette Europe du charbon et de l'acier, donc qui commence en 1950-51, eh bien le couple sera franco-allemand, il ne sera pas franco-britannique. C'est ce qui s'est passé dans les années 20. Après la Première Guerre mondiale, avec Stressmann, Français et Britanniques ont essayé de faire quelque chose, et ça a échoué, et du coup ça a été Briand-Stressmann qui est le premier couple franco-allemand du siècle. Donc le deuxième après-guerre reprend un petit peu le premier après-guerre. Mais du coup ça donne un rôle à la France. Si vous voulez, la Grande-Bretagne veut être le brillant second des États-Unis dans l'Alliance Atlantique. Mais elle ne veut pas une construction européenne qui porte atteinte à sa souveraineté nationale. Donc c'est finalement la France qui va pouvoir jouer aussi un brillant second dans la construction européenne voulue par ces mêmes Américains. Donc chacun trouve son rôle, et finalement la France s'en sort pas si mal dans cette fin des années 40 et début des années 50. Il faut tout de même pas oublier effectivement que cette France et cette Grande-Bretagne ne sont pas encore des puissances purement européennes, qu'elles sont des puissances encore mondiales, parce que effectivement la guerre d'Indochine bat son plein, la guerre d'Algérie va bientôt commencer pour la France, mais c'est le même cas pour la puissance britannique et l'Inde, par exemple. On est en pleine décolonisation, ou en début de ce qui va être la décolonisation, mais ces deux puissances pensent encore en tant que puissance impériale qu'elles ne seront plus d'ici quelques années, Jenny Raflick. Alors, elles se pensent encore en puissance impériale, et du côté français, on voit tout l'atout des nouvelles alliances qui commencent à se mettre en place pour essayer de sauvegarder cette puissance impériale. Les Français vont très vite défendre l'idée des bases de sécurité collective à l'ONU. Ça marche pas très bien, ils n'arrivent pas vraiment à convaincre leurs alliés, notamment les Américains qui n'en ont pas besoin. Mais les Français vont jouer, et c'est le rôle de l'OTAN notamment, faire entrer les départements français d'Algérie dans l'OTAN, pour assurer une sorte de sauvegarde alliée et montrer qu'il y a une importance stratégique à ses possessions. Tout le rôle faire des... participer au plan Marshall le Maroc, par faire exemple. Faire participer au plan Marshall le Maroc. Tout le rôle des installations militaires françaises dans le monde, mise au service de cette communauté occidentale, de façon à essayer, et ça marche très bien avec l'Indochine, où l'aide militaire américaine va arriver massivement pour lutter contre le communisme, en présentant un des grands succès français, c'est de réussir à transformer complètement le conflit indochinois en un conflit de guerre froide. Donc, en faisant entrer l'OTAN dans le jeu, en faisant reconnaître par l'OTAN la guerre d'Indochine comme et un conflit de guerre froide. Avant même la guerre de Corée, effectivement, en 1950. Voilà. Et ça permet finalement de justifier par les intérêts occidentaux en guerre froide l'ancien rôle de puissance mondiale de la France. Ça donne une légitimité internationale à ses positions. Émilien Robin, hier, on a beaucoup discuté, ainsi qu'avant-hier, avec notre invité Johnson Kentwright, c'était lundi, et puis hier avec Christophe Charles, Emmanuel Loyer et Béatrice Joyeux-Prunel, sur la constitution d'un espace culturel européen partagé par les traductions, par les livres, par les opéras, par les opérettes, par la musique, etc. etc. Et cet espace, évidemment, aller très loin à l'est de l'Europe. Qu'en disent les Français lorsque justement cette Europe est coupée en deux par la guerre froide? On considère encore que ceux qui sont de l'autre côté de ce mur, eh bien, ce sont des Européens, ou est-ce qu'on commence à les voir autrement? Enfin, quel est le discours justement, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces relations entre France et Bloc de l'Est dans ces années-là, quel est le discours que l'on porte sur ceux qui se trouvent Donc, pour leur malheur, pour beaucoup d'entre eux, de l'autre côté de ce rideau de fer dont parlait Churchill tout à l'heure. Il y a une part de perception de nation captive, comme le Conseil de l'Europe disait à l'époque pour les pays d'Europe de l'Est. Et en tout cas, la culture devient un enjeu absolument majeur. Tout à fait perçu par les communistes de ce point de vue-là. Les relations Est-Ouest, les relations françaises avec ces différents pays d'Europe de l'Est sont réduites à la portion congrue avec des échanges économiques extrêmement faibles. 0,5% du commerce extérieur français, vraiment des proportions ou 1% maximum. On n'est pas encore au temps où le général de Gaulle tentera de relancer ses activités économiques avec la Roumanie, avec d'autres pays. Il y aura une relance parce qu'il y avait une disparition. Oui, c'est ça. Et au contraire, entre 47 et 50, le commerce Est-Ouest s'effondre complètement. La Tchécoslovaquie, qui faisait encore 60% de son commerce avec l'Ouest en 47, s'est réduit à 20 ou 15% disons 50. Donc c'est extrêmement rapide. Il y a ces liens qui disparaissent et la culture devient désormais un enjeu majeur. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Les missions culturelles françaises, les écoles ont été nationalisées. Donc il y a eu il y a un réel litige juridique avec les pays d'Europe de l'Est et l'on se bat lors de négociations pour avoir deux lecteurs français par an à Sofia, par exemple. Donc c'est vraiment cet ordre de grandeur où c'est au compte-gouttes que l'influence peut passer, où les librairies pouvant diffuser des traductions françaises sont extrêmement réduites et seulement sur une liste d'ouvrages validés par le pouvoir en place. Maupassant, oui. Bernanos, non. Donc il y a des filtres, mais en même temps, il y a une réelle demande qui se perçoit à travers les relations des ambassadeurs français ou des différents diplomates avec les élites culturelles d'Europe de l'Est. Il y a une réelle demande de présence culturelle occidentale, plus particulièrement française, parce que ça maintient un lien et ça peut être un moyen également de continuer à exister sur une scène internationale par le biais de ces échanges, ces contacts directs. Vous disiez tout à l'heure, Robert Franck, effectivement, vous citiez Czesław Miłosz et son concept d'autre Europe. On le voit naître quand, ce concept justement d'une autre Europe qui serait la même Europe, mais un peu différente, qui serait captive derrière le rideau de fer? Est-ce que c'est dans les années 50? Est-ce que c'est avec les exilés qui viennent en France, avec Kultura, avec les journaux polonais en exil, par exemple? Ou est-ce qu'il faut attendre un certain temps, plutôt les années fin des années 50, début des années 60, pour pouvoir justement imaginer qu'il y a là une autre culture européenne qui se développe de façon différente étant donné les circonstances politiques, Robert Franck? C'est progressif, parce que, bien sûr, ce sont les intellectuels qui sont les principaux vecteurs de la culture européenne en Europe de l'Est. Si vous prenez Miloš, il est d'abord au Parti communiste. Si vous prenez Kundera, il est d'abord au Parti communiste. Donc il faut déjà attendre qu'ils comprennent la réalité et qu'ils sortent du Parti communiste, qu'ils deviennent à leur tour opposants et traqués par les régimes. Donc à partir du moment où ils voient la réalité communiste et qu'ils changent d'avis, bien entendu, du coup, leur culture européenne est importante. Alors, donc c'est plutôt la fin des années 50, les années 60. L'apogée de ça, c'est le fameux article de Milan Kundera en 1983, essai en 84, sur l'Occident kidnappé. Et là, c'est très intéressant. À ses yeux, il y a l'Europe orientale. Et l'Europe orientale, c'est la vieille Russie, tsariste, mystique, orthodoxe, devenue communiste, mais qui garde même mysticisme, et il dit jamais Solzhenitsyn, s'il est entouré par l'armée soviétique, jamais il ne téléphonera au monde pour dire sauvez-moi, vive la Russie, l'Europe. Il dira jamais vive l'Europe, il dira seulement vive la Russie. Alors qu'à Budapest, en 56, les Hongrois, lorsqu'ils ont téléphoné partout dans le monde, ils ont dit oui, sauvez-nous, vive la Hongrie et l'Europe. Il dit voilà la différence. C'est-à-dire que l'Europe catholique ou protestante, elle est vraiment européenne. Donc l'Europe centrale, elle fait partie de la culture européenne, contrairement à la Russie. Et donc c'est cette partie qui a été kidnappée, par l'URSS. Donc l'Europe de l'Est, ça n'existe pas. Il y a l'Europe centrale qui est occidentale et l'Europe orientale qui l'essentialise, qui le barbarise un peu, évidemment. C'est assez significatif de son état d'esprit. Et Emilien Robin, sur ce point, justement. Alors, on a ici une approche qui est quand même très occidentalo-centrée. Ouais. Et si on se place du point de vue de l'Europe de l'Est, et là j'ai envie de dire du point de vue officiel de l'Europe de l'Est, il y a un réel sentiment d'être mis à l'écart. Et, au sens, le communisme est issu de la culture européenne. Et du point de vue des Karl soviétiques... Karl Marx était un Européen. Absolument. Et du point de vue des soviétiques, du point de vue des élites communistes, ils sont les héritiers de... ils sont la pointe avancée de la culture européenne. Les héritiers des idées les plus libératrices nées du 19e siècle. Donc, refuser cette légitimité, refuser cette filiation et refuser la contribution communiste à la culture commune est bien la preuve que cet Occident qui se dit culturel, avancé, libéral, ouvert, etc., est en réalité fermé sur sa propre logique interne. Absolument. Et là, on rejoint l'idéologie, sa logique interne, basée sur la lutte des classes, sur les superstructures exploiteuses, etc., etc., sur une culture bourgeoise vouée à la disparition finale, légitimant la domination coloniale, alors que le bloc de l'Est s'engage pour le soutien aux mouvements de libération nationaux dans différents pays en cours de décolonisation, etc., etc. Et donc, il y a une contre-revendication d'être également représentatif d'une vraie culture européenne plus progressiste, plus avancée que la culture occidentale. Donc c'est un enjeu fort de guerre. Et donc de se penser véritablement comme participant à cette culture européenne en étant même le fer de lance, en l'occurrence de Jenny Rafley. Alors il y a aussi, il ne faut pas les oublier, il n'y a pas que les élites qui servent de contact, les élites intellectuelles qui servent de contact entre l'Est et l'Ouest, il y a aussi... tous les émigrés issus de l'Est qui se sont installés en Europe occidentale, et ce depuis déjà plusieurs décennies, dès la première entre-deux-guerres, tous les Polonais, tous les Tchèques, qui sont numériquement importants en France, en Allemagne, en Belgique, et qui sont ciblés en particulier par la propagande communiste, qui sont très qui servent toujours aussi un peu de trait d'union, ciblés par la propagande communiste et par la propagande côté plus atlantiste de Pays Liberté par exemple, ce sont aussi des points de contact permanent entre l'Est et l'Ouest. A special request. Hope you enjoy it. I try to find how my heart could be so blinded. How could I be fooled just like the rest? You came on strong with your fast car and your class ring, soft voice and your sad eyes. I fell for the whole thing. I don't regret having met up with a girl who breaks hearts like they were nothing at all. I've done it too. What it feels like, just like I said, there's no regrets. about time to close. I hope you've had as much fun as we have. Don't forget the jam session Sunday. Mandy Tension will be by. Play the xylophone tree. It's been a lot of fun. Monday night, dance contest night. Serious contest. Gonna give away peanut butter jelly bologna sandwiches for all of you. Il y a un peu plus de 50 ans, Frank Zappa en 1967 écrivait « America Brings and Goes Home », donc un titre évidemment pour évoquer l'influence qu'a pu avoir par exemple Frank Zappa du côté de la Tchécoslovaquie auprès de tous ceux qui, dissidents comme Václav Havel, avaient une véritable vénération pour ce type de musique, ce qui prouve effectivement que les transferts culturels se font parfois de façon très subtile et bien au-delà justement des séparations politiques que l'on peut imaginez. Nous sommes avec vous, Emilia Robin, Jenny Raflick et Robert Franck, pour évoquer l'impact de cette guerre froide sur la question de l'idée européenne. Si on arrive plus près de nous, puisque nous avons beaucoup parlé de la période de l'immédiate après la Seconde Guerre mondiale, que s'est-il passé quand, eh bien, effectivement, vous l'évoquiez, les dissidents, Solzhenitsyn, mais aussi Milan Kundera et tous ceux qui, dans les années 80, ont voulu justement donc critiquer le régime soviétique et le régime de ses alliés sont passés à l'Ouest, ont fait connaître justement cette idée d'une autre Europe qui se montait. Il y avait aussi une grande illusion, Robert Franck, dans cette autre Europe que l'on attendait, on imaginait que nos démocraties un peu fatiguées allaient être revivifiées par une autre vision démocratique qui aurait été à gauche, mais pas communiste orthodoxe. Et on s'est bien rendu compte après 1989 qu'il en était autrement. Oui, beaucoup d'illusions, mais en même temps, une ambivalence fondamentale. Je crois après la chute du communisme, François Mitterrand disait l'histoire, enfin, va rejoindre la géographie de l'Europe. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement... Pour lui, c'est une géographie d'avant 1914. Oui, voilà, quoi. Peut-être, mais enfin, bon, l'idée qu'il y a cette unité culturelle européenne qui a été cassée par politiquement par... par la guerre froide, et cette unité culturelle peut revenir. Même François Mitterrand, qui cela dit, était très, très prudent pour l'élargissement. Il parlait d'une confédération européenne plutôt que de faire entrer tout de suite. Enfin, bon, très hostile à la réunification allemande, par exemple. Ah non, c'est un mythe. Hein. Les historiens ont montré qu'il n'était pas si hostile que ça à l'unification allemande, même son petit voyage en RDA, mais qu'en revanche, il voulait avoir une contrepartie, et il l'a obtenu, que Helmut Kohl, d'accord, fasse l'unité de l'Allemagne, mais que l'Allemagne, non seulement reste dans l'Europe, mais continue à construire l'Europe, parce qu'il était question de la monnaie unique, mm-hmm. et Maastricht, c'est un peu ça, c'est le compromis. C'est-à-dire que, bon, tu fais l'Allemagne, mais tu fais aussi, tu fais l'Allemagne unie, mais tu fais aussi l'Europe et la monnaie unique, etc. Ta, voilà. Donc, ta monnaie. Voilà. Et ça, la différence entre Thatcher et Mitterrand. Donc, je dirais une ambivalence, parce que c'est vrai qu'on pensait que la démocratie dans ces pays fonctionnerait très bien, et après tout, elle a plutôt fonctionné. Alors maintenant, on est un peu omnubilé par l'actualité, c'est qu'il y a les populistes en Hongrie avec Orban, il y a les populistes en Pologne, la Roumanie est en train de devenir aussi une démocratie illibérale, etc., etc. Cela dit, le populisme existe aussi à l'Ouest. Moi, ce qui me frappe, et le Brexit le montre très très bien, c'est que les plus radicaux en Europe de l'Est, hein, les populistes polonais, Orban en Hongrie, ben, ils ne demandent pas la sortie de l'Europe. Mmh. Et pourquoi ils ne le demandent pas? Alors qu'ils sont beaucoup plus radicaux que Boris Johnson. Pourquoi ils ne le demandent pas? Parce qu'ils savent que la population ne suivrait pas. Donc l'identité européenne est faible, elle est faible partout, mais elle est moins faible que l'on le croit. Comment dirais-je, elle est peut-être plus faible que les identités nationales, mais elle est suffisante pour que les gens ne veuillent pas sortir, du moins sur le continent, ne veuillent pas sortir de l'Europe. Donc ça montre que même s'il y a des différences, même s'il y a des incompréhensions, il y a cette identité européenne qui nous unit. Oui, et ce qui est très, très étrange, c'est que quand on parle d'Europe occidentale, d'Europe centrale et d'Europe orientale, effectivement, on divise en trois cette Europe plutôt qu'en deux. comme au temps de la guerre froide, général Flick. Si on suit le travail de Snyder sur les terres de sang et sur ce qui s'est passé en Biélorussie et en Ukraine, il dit très bien qu'aucun centimètre carré du territoire européen appartenant à l'URSS d'avant-guerre ne se trouve aujourd'hui dans l'Union européenne, au bout du compte, et qu'il y a bien là une partie, effectivement, de cette Europe. Il y a les pays baltes, quand même. Il y a les pays baltes, oui, mais qui étaient indépendants avant-guerre. Qui étaient indépendants avant-guerre. Ah, oui. Et donc, au bout du compte, qu'il y a encore une partie de l'Europe qui n'appartient pas encore à cette construction européenne que nous connaissons aujourd'hui. Oui, alors en fait, dans cette géographie un peu compliquée, justement, cette identité européenne, cette unité ou construction européenne, on a quand même toujours le facteur du lien avec les États-Unis qui est omniprésent, de la fascination américaine, l'envie de maintenir. Et finalement, l'Europe, c'est le cas vraiment dans ces années clés 89-91, l'Europe pour certains pays ex-pays de l'Est, comme on les appelle à l'époque, c'est une sorte d'intermédiaire avec les États-Unis. Peut-être malheureusement pour la construction européenne, très vite, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe pour servir d'intermédiaire avec les États-Unis, qui peuvent avoir ce contact direct. C'est le cas notamment de la Roumanie, jusque les négociations pour l'entrée dans l'OTAN, où les Roumains se rendent très vite compte qu'ils peuvent avoir le contact directement avec les Américains et que finalement le soutien français ne leur a pas permis d'entrer dans l'OTAN comme ils l'espéraient au moment des négociations. Donc vous voulez dire qu'il faut encore complexifier, je parlais de trois Europes, mais il y a aussi... Il y en a une quatrième, finalement. C'est-à-dire la question du rapport aux États-Unis qui est cet espace européen occidental, européen, hors de l'Europe, en l'occurrence, qui a encore une importance très grande selon vous. Et qui finalement sert à fédérer ou au contraire à diviser ces débats entre vieille et jeune Europe. Le lien avec les États-Unis pour peut-être ce qu'ont représenté les États-Unis en guerre froide. Cette idée de prospérité, de liberté, de chef de file et l'envie d'aller directement vers ce qui semble le plus occidental à l'issue de la guerre froide. Émilie Robin, est-ce que vous pensez justement que cette complexification à laquelle nous attelons là pour l'instant dans cette discussion permet justement de s'y retrouver entre ces trois blocs européens puis ce bloc occidental représenté par les États-Unis ? Pour pouvoir justement comprendre ce qui se passe en Europe ces temps-ci et ce reste de guerre froide qui serait encore présent dans nos imaginaires. Alors, il y a clairement quelque chose me semble clairement être un héritage de la guerre froide et de la façon dont l'URSS a conçu son espace proche. On a montré, les travaux de Sabine Dulin en particulier ont montré que... La frontière épaisse entre l'URSS et les démocraties populaires, contrairement à cette représentation occidentale où il y aurait une sorte de gros bloc tout rouge qui serait une sorte de territoire identique, en réalité, dans la pratique, la frontière, l'URSS n'était pas les pays des démocraties populaires. Donc, ce sont deux espaces différents, reliés avec beaucoup de liens d'interaction, d'interdépendance, de rapports de domination, etc. Mais l'URSS veillait jalousement sur son territoire propre et ça se retrouve finalement dans cette limite qu'on retrouve entre le fait que l'Ukraine et la Biélorussie ne fassent pas partie de l'Union européenne ou de l'OTAN. Malgré une européanité tout de même. Malgré une européanité et qui est justement qui a été un gros argument pour l'URSS et ensuite pour la Russie contre les entreprises qui se qualifiaient d'européennes. Une construction européenne à 6, c'est un argument communiste des années 40-50, construction européenne à 6 est un hold-up sur le mot Europe, la limitant à un petit groupe d'États, alors que l'Europe est continentale jusqu'à la Russie, Russie et l'URSS incluses. Et ce thème se retrouve jusqu'à nos jours. Robert Franck. Oui, je crois qu'Edgar Morin a raison de faire une distinction entre l'européanité, qui est une notion culturelle, hein, et les Russes, le monde russe fait partie de l'Europe, hein, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Et l'européisme, qui est plus politique et qui est différent. Et là, effectivement, sur l'européisme, c'est pas sûr que beaucoup de Russes veuillent faire partie d'un complexe européen politique, si vous voulez. Voilà. Et les choses bougent, même depuis la fin de la guerre froide. L'Ukraine a toujours fait partie de l'URSS, hein, quand l'URSS s'est constituée. Et là, la frontière entre... Alors, tout le monde se sent européen sur le plan culturel, mais la frontière, disons, de l'européisme, c'est peut-être, elle passe peut-être en Ukraine, entre une Ukraine occidentale qui regarde vers l'Union européenne, ouais, il faut se rappeler le passé, et l'Ukraine orientale qui ne regarde pas vraiment vers l'Occident. Donc là, la frontière passe là. La question de la Géorgie, se veut européenne et aimerait bien être candidate, etc., etc. C'est pas sûr que l'Europe veuille de la Géorgie, c'est autre chose. Mais voilà. Surtout donc, avec une nouvelle présidente comme celle qui vient d'arriver, voilà, on peut imaginer qu'elle va demander le rattachement. Ces frontières imaginaires, je dirais, sont en train d'évoluer. Qui ne sont pas les frontières de la guerre froide, alors ce sont des frontières un peu différentes, Jenny Raflick. Oui, ce ne sont pas les frontières de la guerre froide, mais il y a toujours cette obsession sécuritaire, cette obsession stratégique de ne pas provoquer, de ne pas aller trop loin non plus. Et là, l'identité culturelle, finalement, peut être sacrifiée aux intérêts purement stratégiques, défensifs, sécuritaires. Ce qui s'était fait pendant la guerre froide, cette identité culturelle était évidemment présente, et toutes ces capitales dont on parlait tout à l'heure étaient des capitales purement culturellement européennes, mais effectivement on les avait sacrifiées au nom d'un besoin géopolitique. Et reste cette question d'un glacis protecteur autour de la Russie, dont on sait que Poutine n'accepte pas la pénétration, et dont justement une adhésion à l'Europe pourrait, parce que l'adhésion à l'Europe va souvent avec l'adhésion à l'OTAN, également pourrait être toujours vue comme une provocation. Ça, ce sont les problématiques qui sont valables en gros, de 46-47 à aujourd'hui. Oui, alors, effectivement, vous qui êtes spécialiste de cette question de l'OTAN, Jenny Raflick, vous n'avez pas tendance à tirer la couverture à vous d'une certaine façon en disant, ben voilà, il faut toujours penser que cette OTAN existe encore, que cette OTAN est issue de cette guerre froide et que il est toujours là, cet organisme est toujours là pour pouvoir justement nous rappeler qu'il y a ce fantôme de guerre froide qui est derrière. Alors, c'est... Évidemment, c'est une des principales survivances de la guerre froide, l'OTAN. Mais l'OTAN a deux secteurs géographiques clés aujourd'hui. Il y a justement cet Est européen, ce glacis avec la Russie. Et puis, il y a la Turquie, et qui nous renvoie là vers les conflits plutôt du Proche-Orient, ce qui en fait effectivement une alliance absolument fondamentale dans la géopolitique contemporaine, de par cet ancrage géographique. Et qu'on aurait trop tendance à oublier, selon vous ? Parce qu'au bout du compte, elle est généralement minorée, considérant que cette OTAN fait partie justement d'une sorte de préhistoire de l'Europe datant d'avant la chute du mur de Berlin, souvent. Je ne suis pas sûre que les gouvernements l'oublient. Je vous parle des opinions publiques, je ne parle pas des... Les opinions publiques méconnaissent assez profondément cette alliance. L'OTAN, il y a énormément de mythes. Hein. J'ai toujours tendance à penser que les gens seraient atrocement déçus s'ils savaient ce que c'était vraiment. Je pense pas, en revanche, que les gouvernements et que dans la géopolitique mondiale, ça soit oublié. Émilia Robin, justement, de ces restes de guerre froide, donc, et de la possibilité de les surmonter, en particulier par la culture, par l'idée qu'il y a effectivement au-delà des frontières qui pourraient être des frontières géopolitiques, des alliances potentielles entre les populations. Est-ce qu'on fait la même erreur que on a faite pendant la guerre froide, justement, en considérant que, ben voilà, de l'autre côté, en Russie, par exemple, il n'y a pas véritablement de souhait démocratique, ou qu'il n'y aurait pas de véritable aspiration à participer à cette Europe politique ou cette Europe des citoyens? Il me semble peu probable que les Russes souhaitent participer à la construction européenne au sens européisme dont on a parlé. En revanche, se revendiquer d'une européanité, certainement, mais d'une européanité non exclusive. Les Russes se savent, se perçoivent européens, mais se savent également asiatiques, avec une conception, une approche d'un certain nombre de sujets qui diffèrent sensiblement des approches européennes classiques. D'où le fait que tout ce qui relève des offensives, entre guillemets, ou des opérations culturelles, puisse paraître suspect. Le Conseil de l'Europe, s'élargissant justement à la Géorgie, aux Pays-Baltes et autres, est perçu de ce point de vue-là comme une menace et un point d'entrée de cette influence occidentale qui serait une première étape avant l'OTAN ou l'UE ou autre. Un dernier mot, Robert Franck, votre livre porte sur la question d'être ou ne pas être européen et parle des Britanniques vis-à-vis de l'Europe. Je ne vais pas vous demander un diagnostic puisque on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans les quelques mois qui viennent et personne ne le sait en l'occurrence. Mais néanmoins, ça va changer beaucoup de choses la Grande-Bretagne décide de se séparer de ce continent européen, au moins au point de vue économique et politique. Bah, comme vous le dites, d'abord, on ne sait pas si le Brexit va se faire ou non. dans la mesure où le compromis est impossible, et je crois que les Britanniques ont été surpris de l'unité de l'Europe. Hein. Les Britanniques, les Brexiteurs espéraient l'appui polonais, l'appui hongrois, ça n'a pas eu lieu. L'Europe a été complètement unie. Il y a le talent peut-être de Michel Barnier, mais il y a pas que ça. Donc on ne sait pas s'il va avoir lieu. Mais ce qu'il révèle, il révèle beaucoup de choses sur les identités. Moi, je suis frappé par le nombre de Britanniques qui demandent la nationalité française. C'est pas pour les beaux yeux de la France. C'est pour rester européen, pour rester citoyen européen. Le nombre de Britanniques qui, tout en étant attachés à la reine, demandent la nationalité irlandaise. C'est pas pour l'amour de la République d'Irlande. C'est pour rester citoyen européen uniquement. Donc vous voyez, les choses changent, et c'est vrai que si le Brexit se fait, ça va surtout changer beaucoup de choses pour les Britanniques, qui se font, je crois, des illusions. Et je crois que c'est un bon argument pour que les Européens du continent plutôt comprennent que là, il y a peut-être une erreur. Et comme je disais tout à l'heure, les plus radicaux et les plus extrémistes sur le continent n'ont pas le courage finalement de faire la même bêtise que les Britanniques. Merci à vous Robert Franck. Je rappelle que vous êtes auteur chez Belin dans la collection Textes choisis de Être ou ne pas être européen, les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit. Jenny Raflick, vous êtes auteur de La République moderne, la 4e République, dans la collection Point Seuil, la France contemporaine. Et vous parliez d'Irlande, il faut saluer le beau numéro de notre partenaire L'Histoire consacré aux Irlandais, 200 ans de rébellion, et en particulier le bel article que signe dedans John Horne, justement sur la division possible de cette Irlande une fois le Brexit achevé. Merci à tous les trois. Nous vous annonçons que demain, nous terminons cette série avec un beau documentaire consacré à celle qui a été la doyenne du Parlement européen, Louise Weiss, roman d'une européenne. Un extrait de ce documentaire de Catherine de Copé et Thomas Duterre. Ce travail de journaliste était inspiré d'une très forte idéologie. L'idéologie d'abord de la DER des DER, que je partageais avec les combattants. Pourquoi avions-nous ou risqué nos vies ou supporté ces douleurs? Car je n'ai pas risqué ma vie dans la guerre de 14, sauf en allant deux ou trois fois au front, et encore le danger n'était pas si grand. Mais enfin, j'ai supporté, je puis dire, le calvaire de l'arrière, le calvaire des femmes de ma génération. Et alors nous pensions nous battre pour que cette guerre horrible soit la der des der, et nous pensions nous battre parce que nous espérions que de ce sacrifice général de la jeunesse européenne sortirait une institution capable d'établir un gouvernement mondial et la paix générale, c'est-à-dire la Société des Nations. Louise Weiss, roman d'une européenne, 1893-1983, un documentaire demain dans la Fabrique de l'Histoire pour conclure notre histoire de l'idée européenne. Un documentaire signé Catherine de Copé et Thomas Duterre. Vous découvrirez la vie de ce personnage hors norme qu'était Louise Weiss et qui fut la première doyenne du Parlement européen en 1979. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Amine El-Mansari était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. J'ai cité les livres de Robert Franck et de Jenny Raflick. Il faut citer aussi les deux très grosses encyclopédies sur l'Europe qui sont parues l'année dernière. Europa, notre histoire aux éditions Les Arènes sous la direction d'Étienne François et de Thomas Serrier. Un très gros livre et très intéressant justement, en particulier sur la question du rapport à l'autre Europe. Et puis l'Europe encyclopédie historique sous la direction de Christophe Charles et de Daniel Roche, dont on parlait déjà hier dans la fabrique, c'était aux éditions Actes Sud. Merci à tous et merci à toutes.